You know, heavenly unity is one in Christ, to be one in Christ. This world, what they call unity, be one, no matter what. Mm, yeah. Der Himmel liebt unsere Einheit in Christus, aber nicht die Einheit der Welt. Religion, die and this world, they are one. Eins ist im Bösen, eins ist im Allem. On parle de l'unité de Jésus-Christ, pas celle de ce monde. Parce que quand on parle de l'unité de ce monde, quand on parle peut-être de la loyauté de ce monde, on doit être uni avec une personne, même si elle est dans le péché ou cette personne fait du mal. Mais c'est au contraire à l'unité du Christ. To be one with one another is a command from Christ. Mm-hmm. For us to be one with one another. John 15. Être uni, c'est et un commandement de l'Éternel. Jean 15. Johannes 15. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. John 15. From 9 to 19. Johannes 15 von 9 bis 19. Jean 15 de 9 à 19. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. As the Father had loved me, so I have I loved you. Jesus is speaking here. Jesus spricht hier. So I love you. Er sagt, Almighty Father. He said, I love you. Er sagt, ich liebe euch. Comme le Père m'a aimé, je vous aime, je vous ai aussi aimé. Et là, c'est Jésus-Christ qui nous dit qui nous aime. C'est quelque chose de merveilleux. And that's why if nobody loves you, this love is enough for you. C'est wenn dich niemand liebt, reicht diese Liebe. Et c'est la raison pour laquelle que si personne dans ce monde t'aime, cet amour que tu reçois du Père, de Jésus-Christ, pardon, est suffisante. If the fleshly family says, I don't love you because you chose Christ, Christ is saying, I love you. Amen. Wenn du vielleicht für mich entschieden, weil du dich für Christus entschieden hast, sagt Christus, aber ich liebe dich. Si ta famille charnelle ne t'aime plus parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même te dit qu'il t'aime. You know, if the world say I love you, you see, beware. Wenn die Welt aber sagt, dass sie dich liebt, dann nimm dich nach. Beware, run away from them. Flieh vor ihnen. Si le monde dit que si le monde te dit qu'il t'aime, tu dois te mettre en garde, tu dois faire attention. I'm getting it. Because their love is always evil. Parce que leur amour est toujours mauvais. As the Father have loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Continue in my love. My own kind of love. In meiner Art ist different from the love of this world. Die anders ist als die Liebe dieser Welt. Son amour qui est différent à l'amour de ce monde. Amen. The love that there is no end to it. Die Liebe, zu der es kein Ende gibt, ist für immer. Un amour sans fin. It's full of forgiveness upon forgiveness upon forgiveness upon forgiveness. Von Vergebung. Said if my brother offend you, if somebody offend you, how many times are you going to forgive? 490 times a day. A day. Praise the Lord. And Peter said, increase our faith. Because this is too big. It's too much. Increase our faith too. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That is Christ's love. Das ist die Liebe von Christus. Wir sollen einander 490 Mal am Tag vergeben. Und Petrus hat daraufhin gesagt, vergrößere unseren Glauben, vermehre unseren Glauben. On doit s'aimer avec l'amour de Dieu, un amour qui est sans fin, un amour qui supporte tout et qui pardonne tout. Jésus-Christ lui-même a dit qu'on doit se pardonner 490 fois par jour. Même Pierre a dit que c'est beaucoup, que multiplie notre foi parce que sans lui c'est pas capable. Imagine if the whole world is full of God kind of love today. Stell dir vor, die ganze Welt wird voll von Gottes Liebe. How would this world be? Wie sähe diese Liebe, diese Welt aus? Imagine-toi un monde rempli de l'amour du Christ. It will be the end of separation and divorce everywhere. Das wäre das Ende von Trennung und Scheidung. Ça serait la fin de divorces ou de séparations. It will be the end of war everywhere. Das wäre das Ende von Krieg überall. Ça serait la fin des guerres partout dans ce monde. Praise the Lord. Alleluia. Then in verse 10 says, if you keep my commandment, you shall abide in my love. Verset 10. That's if you believe me. Wenn ihr mir glaubt. His commandment is to believe him. Sein Gebot bedeutet, ihm zu glauben. First John. Si vous, you know that, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc ce commandement est de croire en Jésus-Christ. Are you getting it? Mm-hmm. If you keep my commandment, his commandment is to believe him. That's just one commandment. Gebot, ihm zu glauben. For us. Moses' commandment, there are so many, but Christ only have one. Believe me. Die Gebote von Mose sind so viele, aber Jesus hat einfach nur eins, ihm zu glauben. Moïse nous a ramené beaucoup de commandements, mais notre Seigneur Jésus-Christ a seulement un commandement, c'est de croire en lui-même. Amen. Amen. Moses' commandment is about what you are to do. Christ's commandment is about what you don't do. Are you getting it? What you are, what you don't do, you don't believe me. Moses' commandment is what you are to do. That shall not. Are you getting it? It's about you. What you are not to do. What you should. It's all about you. It's pointing to you. But Christ's commandment point to Christ. Believe me. Die Gebote von Mose, sie zeigen alle auf dich, was du zu tun hast, was du nicht zu tun hast, was du immer machen musst. Aber das Gebot von Jesus deutet auf Jesus hin, was für dich getan hat. Quand on compare les deux commandements, les commandements de Moïse et les commandements de Jésus-Christ, dans les commandements de Jésus-Christ, de Moïse, il s'agit toujours de tes œuvres, de ce que toi tu dois faire ou tu dois pas faire. Mais Jésus-Christ a seulement un commandement et ce même commandement est relié à sa personne lui-même. On doit seulement le croire et c'est lui qui va nous aider à garder tout autre commandement. Amen. Amen. You know, Jesus never talk about us and not talking about his Father. Amen. He said, if you keep my commandment, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. He said, you know, my Father sent me, so I sent you. Keep my commandment as I keep his commandment. You can see it's always you can see the connection. Jesus deutet uns immer wieder auf sich selbst hin, so wie er immer wieder auf den Vater gedeutet hat, dass er sagt, wir sollen seine Gebote halten, so wie ich die Gebote seines Vaters gehalten hat. Wir sollen er liebt uns so wie der Vater ihn geliebt hat. Et si on peut encore une fois voir que Jésus-Christ a toujours été un exemple pour nous, parce que ce que il nous dit de faire, c'est quelque chose que lui-même il a fait quand il était ici sur terre pour son père. Donc quand il dit que je vous envoie comme mon père m'a envoyé, hein, je vous aime comme le père m'aime. Donc c'est toujours en relation avec sa personne et avec le père, avec Dieu le père. Verset 11. Verset 11. Have I spoken unto you that my joy might remain in you. And that your joy might be full, God kind of joy. Gottes Freude. La paix du Christ, la paix de Dieu. Are you getting it? God kind of joy is different from the joy of this world. Ist anders als die Freude dieser Welt. La joie de l'Éternel est différente à la joie de ce monde. Verse 12. Verset 12. Amen. This is my commandment that you love one another as I have loved you. Praise the Lord. Amen. You know, this time we have taught them for long. Amen. Still teaching them. He said, love one another. Und zu der Zeit hat ihnen schon vieles beigebracht und bringt ihnen immer noch Dinge, hat ihnen hier an dieser Stelle immer noch Dinge beigebracht, dass sie einander lieben sollen. Et pendant cette période, on peut voir que Jésus-Christ apprenait beaucoup à ses disciples, mais il continuait aussi à les enseigner. Et un de ses enseignements, un de ses commandements était de qu'on doit s'aimer les uns les autres. Verse 13. Greater love have no man. Verset 13. Than this, that a man lay down his life for his friends. You are my friends if you do whatsoever I command you. Amen. Praise the Lord. Amen. The only friend in the Old Testament was Abraham. Yeah, den Gott im Alten Testament hatte war Abraham, aber heute sind wir seine Freunde. Le seul ami que Dieu avait dans l'ancienne alliance était Abraham, mais aujourd'hui nous on peut tous s'appeler ses amis. I don't have any friend except him. Ich habe keine Freunde außer ihn. Je n'ai pas d'amis à part Jésus-Christ. You know, you can have a mother that is not even your friend. Du kannst eine Mutter haben, die aber nicht deine Freundin ist. Die ist sogar deine Freundin. Or a father, or people. Oder ein Vater. Uncle, there are so many. You know, if even you don't have friend, but you just one that is saying you are my friend. That is calling you friend. Be satisfied with him. Freunde hast, sei zufrieden damit, dass du einen hast, der dich einen Freund nennt. Und das ist Christus. Amen. Tu peux te contenter de Jésus-Christ parce que lui il dit que il est ton ami. Tu peux avoir une mère peut-être charnellement qui est ta mère peut-être mais qui est pas ton ami. Tu peux avoir un oncle, un frère ou des connaissances qui peuvent te dire qu'ils sont tes amis alors qu'ils ne le sont pas en fin fond. Mais Jésus-Christ est ton ami. You know, people always yeah, no, some are not happy because they don't have friend to play with them. Jesus said, I'm your friend and I play with you. Allow me to play with you. Amen. Be my friend. Leute sind traurig, weil sie keine Freunde haben, mit denen sie Zeit verbringen können. Aber der Herr sagt, ich bin dein Freund, verbring mit mir Zeit. Certaines personnes sont tristes parce qu'elles n'ont pas d'amis, or que l'Éternel nous dit qu'il est notre ami et il est toujours là avec nous, donc on peut... On sera jamais seul si on croit en Jésus-Christ. You know your places of work, you might not have any friend, but Christ is your friend. Auf der Arbeit hast du vielleicht keine Freunde, aber Christ ist dein friend. Freund. Amen. If somebody asks you, who is your friend? Who? I want to know your friend. Just introduce Christ to them. Mm-hmm. He is the only friend I have. Oder wenn jemand fragt, wer sind deine Freunde, dann sagst du, Christus ist der einzige Freund, den ich habe. Au travail, par exemple, si les gens te demandent qui est ton ami, tu peux utiliser cette opportunité pour leur donner le Christ. Tu peux leur dire que Jésus-Christ est ton seul ami. Praise the Lord. Alléluia. You know, there's always a saying, show me your friend and I will tell you who you are. Mm. Amen. Mm. You know, if Christ only is your friend, if he is the one that is your friend, you know, if they are looking for, you know, for them to know you, they have to know Christ. Mm. Are you getting it? Und genau, es gibt ein Sprichwort, das sagt, zeig mir deine Freunde, dann weiß ich, wer du bist. Ne? Und das sagt viel über uns aus. Wenn wir wissen, dass, wenn du weißt, dass Christus ein Freund einer Person ist, dann weißt du auch, dass diese Person selbst Christus ist. Mm. Amen. Le monde nous dit souvent, montre-moi tes amis et je vais te dire qui tu es. Et si le Christ est ton seul ami, tu pourras aussi dire que toi aussi, toi-même, tu es le Christ. Verse 14 again. Verset 14, encore une fois. You are my friends if you do whatsoever I command you. And what he commands us is to believe him. Und er befiehlt uns, ihm zu glauben. Il nous commande à... Trust him. Son commandement pour nous est de croire en sa personne. Verse 15 says, henceforth I call you not servant. For the servant knoweth not what his Lord doeth. But I called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Amen. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Verse 17. Verse 17. These things I command you, that you love one another. It is a command to love one another. With God kind of love. Mit der Liebe von Christus. C'est un commandement qu'on doit s'aimer les uns les autres avec l'amour de Jésus-Christ, avec l'amour de Dieu. You see it there. Jennifer, can you help us to read verse 17? 17. Das Gebiet ich euch, dass ihr einander liebt. Amen. Amen. It is a command to love one another with Christ's love, and not with the love of Christus und nicht mit der Liebe dieser Welt. Donc c'est un commandement de qu'on doit s'aimer les uns les autres encore une fois, mais avec l'amour de Dieu et pas l'amour de ce monde. Verse 18. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Praise the Lord. Amen. If you were of the world will love its own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Mm. Is somebody getting it, please? Mm. Praise the Lord. Then in 1 John 3, verse 22 to the end, talk about his commandment to believe him and to love one another. The same thing. Amen. On doit croire en Jésus-Christ et s'aimer les uns les autres. Amen. Amen. To love one another with his own kind of love. Einander zu lieben, der Liebe von Christus. S'aimer avec l'amour du Christ lui-même. The unconditional love of Christ Jesus. Die bedingungslose Liebe von Christus Jesus. L'amour inconditionnel de Jésus-Christ. This was the music of the Lord before he left. Das war, was der Herr immer wieder gesagt hat, immer wieder wiederholt hat. Wiederholt, wiederholt. Et c'est ça que Jésus-Christ a répété plusieurs fois avant de nous quitter. Love one another. That is how they will know that I am in you, you are in me. So wird man wissen, dass ihr in mir seid und ich in euch. Et c'est de cette façon qu'on va savoir si que je demeure en vous et que vous demeurez en moi. Let your motive be pure. Let dass your motive. Dass dein Motiv rein ist. Means let your motive be Christ. Dass dein Motiv Christus ist. Et ton motif doit être pur. Et si ton motif est pur, ça veut dire que ton motif est le Christ. Amen. Amen. In Isaiah 66, verse 3 and 4. Jesaja 66, 3 und 4. Dans Esaïe 66, 3 et 4. The Lord does not see any evil small. Der Herr sieht das Böse nicht klein. L'Éternel ne voit pas le mal petit. Amen. Amen. You know, the evil that the unsaved are doing, no matter how small it is, the Lord sees it. Das Böse, was die Ungläubigen tun, egal wie klein es ist, der Herr sieht es als eine große Sache an. Donc, même si ce que les gens font des petits péchés pour l'Éternel, c'est quelque chose de grand. Are we there, please? Ouais. Isaiah 66, verses 3 and 4. He said, he that killeth an ox is as if he slew a man. Are you getting it? Mm. We are different from them, please. Wir sind anders als sie. Nous sommes pas comme eux. And the Lord never see you as the same. You and them. Der Herr sieht euch nicht als eins. Et c'est aussi de cette manière que l'Éternel nous voit. He said, he that killeth an ox is as if he slew a man. He that sacrificed, said a lamb, is as if he cut off a dog's neck. He that offered an oblation, as if he offered swine's blood. He that burned incense, as if he blessed an idol. Are you getting something here? Yea, they have chosen their own ways. And their soul delighting in their abominations. Verse 4. I also will choose their delusions and will bring their fears upon them. Because when I called, none did answer. When I speak, they did not hear. But they did evil before my eyes and chose that in which I delighted not. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. But for us, God's children, if you go to Psalm 37, Psalm 37, verse 18, it said, they lead to a righteous man. Verse 18. How? Amen. Are you getting it? Verse 18. Psalm 37:18. A righteous man. You know, the little you can do, the Lord is so blessed with it. Das Kleine, was du tun kannst, der Herr ist dankbar dafür. Es segnet ihn. It blesses him. Es segnet ihn. Amen. Soll er beni, ja. Then let's go to that of Proverbs. Proverbs 15, verse 8. Go to Proverbs 15, because of time. Proverbs 15. La petite chose qu'on peut faire selon l'Éternel, ça lui plaît. In der deutschen Version ist es Psalm 37, Vers 16. Proverbs 15, Vers 8, please. Und jetzt Sprüche 15, 1. Nee, ist 91, kommt los. Ach so. Proverbe 15, vers 8. Sprüche 15, vers 8. Proverbe 15, verset 8. He said, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. But the prayer of the righteous, of the upright, is his delight. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The old thanksgiving and the new are not the same. Die alte Danksagung und neu ist nicht gleich. L'ancienne action de grâce et la nouvelle ne sont pas comparables, ne sont pas les mêmes. Heaven saying thank you and the earth is saying thank you are not the same also. Wenn der Himmel Danksagung gibt und wenn die Erde Danksagung gibt, ist nicht das gleiche. La gratitude du ciel n'est pas comparable à la gratitude du monde de la terre. If you are saying thank you to the Lord and your servant saying thank you to the Lord, they are not the same. Wenn du Danke sagst zum Herrn und wenn sie Danke sagen zum Herrn, ist das gleiche. Donc si toi tu dis, si toi tu remercies l'Éternel et le monde, les païens remercient l'Éternel, ça c'est pas la même chose. Amen. The flesh saying thank you and the spirit saying thank you are different. Oder wenn das Fleisch Danke sagt und wenn wenn der Geist Danke sagt. Et c'est quand la chair remercie l'Éternel, c'est pas la même chose que si l'esprit remercie l'Éternel. Oh, and if God is saying thank you to you, a man is saying thank you to you, they are not the same. Wenn Gott dir Dank sagt, wenn ein Mensch dir Dank sagt, ist auch nicht das gleiche. C'est aussi pas comparable si l'Éternel te dit merci ou l'homme te dit merci. Praise the Lord. Alléluia. Man is saying thank you to you and God is saying thank you to you. They are two different. Wenn sich Menschen bei dir bedanken, es ist wieder was anderes, als wenn Gott sich bei dir bedankt. Encore une fois, si l'Éternel te dit merci, c'est pas la même chose que si des hommes te disent merci. You say thank you to them, or Christ say thank you to them. Through you are not the same. The flesh can say thank you to them through you, and the spirit can say thank you to them. That is the Lord saying is the ones doing the saying thank you to them. Das Fleisch kann durch dich hindurch Danke sagen und auch der Geist Gottes kann durch dich hindurch Danke sagen. Donc ta chair peut dire merci à quelqu'un tout comme l'Éternel peut dire merci à une personne à travers ta personne. I was saying thank you to Christ. Is Christ saying thank you to himself? Unser Danke sagen an Christus ist so, ist das gleiche Danke, was Christus an sich selbst gibt. Donc si le Christ dit merci à travers nous, c'est comme si il dit merci à lui-même. If I'm saying thank you to you, the Lord is the one saying thank you to you. Wenn ich mich bei dir bedanke, ist es der Herr, der sich bei dir bedankt. Donc si moi je te dis merci, c'est comme si notre Seigneur te dit merci. Because we belong to him. Aber zu ihm gehören. Parce qu'on l'appartient. So also if you are saying it to me, amen. Tout comme si toi tu me dis merci, c'est la même chose. Amen. Amen. Amen. We don't do anything without Christ Jesus. Wir tun nichts ohne Christus Jesus. On fait rien sans Jésus-Christ. He himself even said it. He said without him we can't do nothing. Ohne ihn können wir nichts tun. Lui-même l'a dit que sans lui, on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Our thank you is not like that of the world. Unsere Danksagung ist nicht wie die der Welt. Notre gratitude n'est pas comme celle de ce monde. Praise the Lord. Alleluia. Anytime we say thank you, it's the Lord saying thank you in us and through us. Wenn wir Danke sagen, ist der Herr, der Danke in uns und durch uns hindurch sagt. Donc à chaque fois qu'on dit merci, c'est l'Éternel qui dit merci à travers nous. Let us quickly go to a place to see the Lord, the old thank you, and then we now see the new thank you. The old thank you, Psalm 78, please. Psaume 78. On va comparer la gratitude dans l'ancienne alliance et la nouvelle. Psaume 78, verset 40. Amen. Amen. The Lord wants us to remember to say thank you always. Der Herr will, dass wir uns daran erinnern, immer dankbar zu sein. Et l'Éternel veut qu'on puisse se rappeler à toujours montrer notre gratitude. Amen. Psaume 78, verset 40. Praise the Lord. Alléluia. He wants us to remember. He loves it if you remember to say thank you. Er liebt es, wenn wir uns so erinnern, Danke zu sagen. Il aime quand on se rappelle à montrer notre gratitude. On doit l'apprendre. He said, how often do they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Amen. Amen. Yea, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel. They provoked him, they tempted him, they limited him, they stopped him from working for them. Why? They remember not his hand. Are you getting it? Ils n'ont pas pensé à la main de l'Éternel. They did not remember what he did for them. Sie haben sich nicht daran erinnert, was für sie getan hat. Ils se sont pas rappelés de ce que l'Éternel a fait pour eux. We do the same today. Wir tun das gleiche heute. Et on fait la même chose aujourd'hui. We always forget the Christ he gave us. Wir vergessen Christus, den uns gegeben hat. Et on oublie le Christ qu'il nous a donné. Our focus is so much on the what we don't have. Unser Fokus ist so sehr auf das, was wir haben, was wir haben wollen. Was wir erreichen wollen. We forget the greatest. Dass wir das Größte vergessen, was uns gegeben hat. Christus Jesus. Amen. On oublie toujours ce qu'il nous a donné, la plus grande chose qu'on peut avoir, mais nous on est seulement concentré sur avoir la réussite de ce monde, avoir les biens de ce monde. You can see how he said that they stop him from working for them. Amen. You see that? How they did not remember. Today it is the finished work of Christ. You must remember that finished work. Allow it to be your meditation, please. Wir müssen uns an das fertige Werk von Jesus Christus erinnern. Wir müssen zulassen, dass wir darüber nachsinnen, weil sonst halten wir sozusagen die Hand des Herrn auf. On doit toujours se concentrer sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. On doit toujours se rappeler de cela, parce que sinon on va aussi empêcher la main de l'Éternel dans nos vies, de se manifester dans nos vies. He said, how often did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Amen. You can see he's a person. He was provoked, he was grieved. Ihr seht, er ist eine Person, die bekümmert war, die versucht wurde. On peut voir que c'est une personne qui a été embêtée, qui était même triste. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Verse 42, they remember not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy. How he had wrought his signs in Egypt and his wonders in the field of Zoar. You know, if the Lord can be provoked here, how much more now? The finished work of Christ, if we cannot remember it. Wenn das hier den Herrn bekümmern kann, wird es ihn jetzt bekümmern und betrüben, wenn wir uns nicht an das fertige Werk von Jesus Christus erinnern, das viel größer ist als das, was damals passiert ist. On peut voir que l'Éternel, que ça n'a pas plu à l'Éternel, qu'ils ont oublié la puissance de l'Éternel, que l'Éternel les avait sauvés de l'esclavage et tout. Mais si l'Éternel était déjà en colère, non, plutôt quand. Que si ça n'a pas plu l'Éternel dans l'ancienne alliance, combien de plus ça va l'attrister ou ça va l'embêter si on n'est pas capable à se rappeler de l'œuvre accomplie. Verset 44. And have turned their rivers into blood and their floods that they could not drink. He sent diverse sort of flies among them. You can see. You know what? You cannot compare this to the coming of Christ. Du kannst das nicht mit dem Kommen von Christus vergleichen, mit dem Großen, was wir haben. Ce qu'on a aujourd'hui n'est pas comparable à ce qu'on voit ici dans l'ancienne alliance. On ne peut pas comparer les deux. Amen. If you read it, let it be your homework, please. You can read it and continue. Amen. You cannot compare this to what we have today. What he gave us. He gave us himself. Amen. Er hat uns sich selbst gegeben. L'Éternel s'est donné lui-même. Donc, et tu ne peux pas comparer ça avec l'ancienne alliance. He said they did not remember what he did for them. Er sagt, sie konnten sich nicht daran erinnern, sie wollten sich nicht daran erinnern, was für sie getan hat. Ils étaient pas cap, ils voulaient pas se rappeler de ce que l'Éternel avait fait pour eux. If you remember, you will not be sad like to like you are sad right now. Wenn du dich daran erinnern würdest, dann wärst du nicht traurig, wie du es jetzt bist. Et si tu es capable de te rappeler de l'œuvre accomplie de l'Éternel, tu seras jamais triste. No matter the case, no matter the problem, remember to say thank you to Jesus. Egal was die Situation ist, erinnere dich, danke Jesus. Peu importe la situation, peu importe le problème, rappelle-toi toujours à dire merci à Jésus-Christ. If not, you provoke him. Sinon, tu provoques l'Éternel, pardon. Provoquez-moi den Herrn. Amen. If not, you grieve him. Und betrüben ihn. Sinon, on attriste l'Éternel. He did all and said it is finished. Er hat alles getan und gesagt, es ist vollbracht. Stop calling him a liar. Auf, ihn ein Lügner zu nennen. Arrête d'appeler le Christ un menteur. If you keep on seeing your situation, you are calling him a liar. That he did not finish it. He just pretend to say, I finish it. Wenn wir immer wieder auf die Situation schauen, dann stellen wir den Herrn als Lügner dar. Parce que si tu es toujours concentré sur tes circonstances, sur ta situation, c'est comme si tu disais que Jésus-Christ est un menteur et qu'il n'a pas tout accompli. And that's why Old Testament is good for us, that we can still read it. If he was provoked here, how much more now? Ja, und deswegen ist das Alte Testament so gut, dass wir das lesen, um uns daran zu gedenken, dass wenn ihn das vom das alte Bündnis schon betrübt hat, wie viel mehr, wenn wir das neue Bündnis durch Christus haben, nicht wertschätzen. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours bien. Je remercie l'Éternel qu'on a toujours l'Ancien Testament, parce qu'on peut voir ce que le Christ, non, ce qui a attristé ou embêté l'Éternel et comparé à non, je me rends compte. À plus forte raison maintenant quand on oublie l'œuvre accomplie de l'Éternel dans le jeu. Praise the Lord. Alléluia. Rejecting and ignoring the finished work of Christ is forbidden in heaven. Das fertige Werk von Christus verweigern oder ignorieren ist verboten. Rejeter ou ignorer l'œuvre accomplie de Jésus-Christ est quelque chose qui est interdit au royaume des cieux. Amen. Amen. We close with this very place. Galatians 5:25. Galates 5, verset 25. Wenn wir im Himmel leben, lasst uns nach dem himmlischen Prinzip leben. Donc, si on est des citoyens du royaume des cieux, si on vit dans le royaume des cieux, on doit aussi vivre selon le système du royaume des cieux. Praise the Lord. Alléluia. Galates 5, verset 25. Amen. Amen. Galatians 5, verse 25. Amen. Mm-hmm. If we live in the spirit, means in heaven. Wenn wir im Geist leben, also walk in heaven. Im Himmel leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, also im Himmel wandeln. Donc si on vit dans le royaume des cieux, on doit aussi vivre selon le royaume des cieux. Amen. Study it. Amen. How to live in heaven. On doit l'apprendre. On doit l'étudier. Lernen im Himmel zu leben. You cannot change it. Du kannst es nicht ändern. Tu peux pas le changer. You can do nothing against the truth, but for the truth. Du kannst nichts gegen die Wahrheit tun. That's the Corinthians. Tu peux rien faire contre la vérité, seulement pour la vérité. You cannot change Christ's system. You can only learn it and just follow it. Du kannst das System von Christus nicht ändern. Du kannst es nur lernen und danach handeln. Donc tu peux pas changer le système de Jésus-Christ. Tu peux seulement l'apprendre et le suivre. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. So we